Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 130. De la présomption. Du vice de la présomption. Son opposition avec la magnanimité. 1. La présomption est-elle un péché? Ô coupable présomption, d'où es-tu sorti? Ecclésiastique 38.3. Dans le monde physique, les actes sont proportionnés à la force des agents, ceux-ci ne dépassent jamais les limites de leurs facultés. C'est pécher contre cette loi de la nature que d'entreprendre ce qui est au-dessus de nos forces, en cela précisément consiste la présomption, comme son nom l'indique, donc elle est un péché. Note. N'en concluons pas que l'on ne doit pas tendre de tout son pouvoir vers le monde divin. Nous avons en nous une faculté naturelle, l'intelligence par laquelle nous pouvons nous unir à Dieu et tendre vers ce qui est immortel. Il est vrai, saint Paul dit, nous ne sommes pas capables d'avoir de nous-mêmes une bonne pensée. 2 Corinthiens 3:5. Mais comme nous pouvons d'une certaine façon nous-mêmes ce que nous pouvons par nos amis, ce n'est pas une présomption que de tendre au bien et à la vertu avec le secours de Dieu même. Fin de la note. 2. La présomption est-elle opposée à la magnanimité? La présomption est opposée à la magnanimité par excès. Elle porte l'homme à excéder la mesure de ses facultés, tandis que la magnanimité conserve toujours une juste proportion entre les forces humaines et le but très élevé qu'elle se propose. Note. Le présomptueux exagère la puissance de ses facultés. L'excès de la magnanimité, disait Sénèque, rend l'homme fier, inquiet, menaçant, turbulent, prompt à s'élever par ses paroles et par ses actions, sans s'occuper de leur honnêteté. Si le présomptueux semble dépasser l'homme magnanime, cette supériorité est purement apparente, il lui est de beaucoup inférieur en réalité.